De tôle et de papier, lu par Nadège Dell. Emmeline finit de vider le chariot des livres rendus. Elle remet à sa place un ouvrage laissé au mauvais endroit, redresse une rangée de BD menaçant de tomber. Elle prend ses affaires. Coralie attend qu'elle les rejointe pour éteindre. Elle ferme la porte, se fond la bise. Bonne soirée et à demain! Sur le chemin, Emmeline achète une demi-baguette, s'arrête pour discuter quelques minutes avec sa voisine dont le chien est souffrant. Elle trouve dans sa boîte aux lettres un courrier de l'association Plume d'air. Elle dépose son sac et son manteau, range le pain dans la huche, s'assoit à son bureau et décachette l'enveloppe. « Madame Jeanne, Marcel, que je connais de dehors, vient d'être incarcéré et il me charge des noises. Il veut profiter que je distribue les livres. » Mais les matons font attention et je veux pas perdre ma place, aussi par rapport à vous. Je veux pas passer pour un faible, mais je veux pas aller au trou. Écrivez-moi vite, vous avez toujours de bons conseils. Raymond. Emmeline s'attelle sans tarder à répondre. 2 heures, une pomme et un yaourt plus tard, il n'y a que des ratures. Que dire? Valoriser les bonnes actions, partager les petits détails du quotidien, elle peut. Elle a même eu une formation pour cela. L'intervenant avait également insisté sur l'importance de ne pas donner de conseils sur la conduite à adopter envers d'autres prisonniers, car, depuis une cellule, certains propos peuvent prendre une toute autre dimension. Elle ne connaît de l'incarcération que ce que lui en ont raconté les différents détenus avec qui elle a correspondu. Emmeline feuillette les précédentes lettres de Raymond, s'arrête sur une des toutes premières. Madame Jeanne, je suis très content d'avoir reçu votre lettre. C'est pas vrai que j'ai rien fait, mais vous verrez, je suis pas un mauvais gars. À midi, on a eu des haricots verts. Faut voir les rations qu'ils nous mettent, ils nous prennent pour des gonzesses. À la douche, j'ai eu celle qui coule trop chaud ou trop froid. Pensez pas que je suis un géniard, mais je vous jure qu'ici dedans, le bourgeois y tiendrait pas. C'est comment pour vous dehors? Raymond. C'était il y a 3 ans. Depuis, lettre après lettre, elle a accueilli sans jugement les mots de Raymond. La colère s'est estompée, une envie d'autre chose a émergé. Elle lui a fait découvrir son monde de livres. Il travaille même à la bibliothèque de la prison maintenant. Mais là, elle ne sait que recommander. Elle laisse la tâche inachevée, se promettant de terminer le lendemain. « Dépêche-toi, Emmeline !» Coralie la presse de finir son déjeuner, car elle veut lui montrer des faire-part de mariage. « Celui-là plaît à Julien, mais il est ultra guimauve, tu ne trouves pas ? Celui-là, je l'adore. Mais Julien n'en veut pas. Je suis sûre que c'est parce que je déteste le sien. Celui-là, c'est le préféré de ma belle-mère, donc no way. » Coralie passe de l'un à l'autre rapidement, Emmeline se limitant à quelques hochements de tête et commentaires laconiques. « Évidemment. C'est bien aussi. » Coralie applaudit. « Merci, j'étais sûre que tu pourrais m'aider. » Il est temps de se remettre au travail. « Excusez-moi, madame, je ne trouve pas le passe-muraille. » Emmeline vérifie sur son ordinateur. « Il devrait être en rayon, il a dû être déplacé. Je vous accompagne, jeune homme. » Elle se souvient de ces années où la recherche se faisait sur des fiches cartonnées qu'il fallait veiller à ne pas corner, à ne pas ranger au mauvais endroit, à renseigner de façon lisible, le temps perdu parfois pour une erreur de classement. Elle pense à Raymond qui tient son registre de prêt à la main. Il partage souvent des anecdotes, elle sur les cartes d'abonnement perdues, les livres non rendus, lui sur les magazines retournés avec des pages déchirées, les romans qui intéressent les prisonniers. Elle lui a suggéré certaines œuvres, mais le budget de la bibliothèque ou le refus de la direction n'en permet pas toujours l'achat. Elle a hâte de finir sa lettre. Il faut absolument la poster demain. En rentrant, elle trouve un autre courrier réexpédié par Plume d'air. Elle l'ouvre avant même d'ôter son manteau. « Madame Jeanne, aujourd'hui je me suis battue. Cette raclure dit que dedans ou dehors, je fais partie du clan. Je veux pas, je veux m'en sortir. Mais je veux pas passer pour un faible. » Quand je verrai le juge pour ma liberté conditionnelle la semaine prochaine, j'aurai un cocard. Qu'est-ce qu'il va penser? J'avais un bon dossier, avec mon CAP, ma bonne conduite et tout. Mon avocat était optimiste, mais maintenant, je sais plus. Raymond. Elle s'assoit à son bureau, saisit son stylo, réfléchit quelques instants puis se lance. Elle l'exhorte à tenir bon, à rester positif. Elle lui raconte que depuis 2 jours, un chaton l'attend devant chez elle. Elle lui a laissé une soucoupe de lait sur le rebord de la fenêtre. Comment pourrait-elle l'appeler? A-t-il une idée? Elle signe. Emmeline tapote des doigts sur son bureau. Elle pioche une lettre de Raymond. Madame Jeanne. Ça y est, je l'ai décroché. J'ai mon CAP. Vous ne pouvez pas savoir ce que je suis fière. Vous y avez cru pour 2 et j'ai pu aller jusqu'au bout. Grâce à vous, ma mère sera contente de moi. Peut-être qu'elle viendra me voir. Je sais que ça lui fait loin depuis qu'elle a déménagé. Je l'appellerai cette semaine. Mais je voulais vous le dire à vous, en premier. Je me vois déjà tailler des arbres. Je tondrai peut-être un jour votre pelouse. Encore merci. Raymond, ouvrier paysagiste diplômé. Elle avait jeté un œil aux 2 pots de géranium qui agrémentaient sa courette. Elle avait envisagé lui envoyer une boîte de chocolat, mais l'association Plume d'Air n'avait pas pour objet l'envoi de colis et veillait à ce que les relations restent exclusivement épistolaires. Son stylo tremble légèrement au-dessus de la feuille. Elle hésite. Tant pis pour les consignes de respect de l'anonymat. Elle ajoute un PS. Je m'appelle en réalité Emmeline et vous pouvez me joindre au 06 65 48 97 53. Emmeline déjeune seule. Coralie avait rendez-vous avec son Julien. Elle ne cesse de songer à Raymond, à sa lettre qui lui parviendra dans quelques jours, à ce numéro de portable, à cet appel qui viendra peut-être. Elle décide de consulter les archives du journal local. Elle tape le nom de Raymond sur son ordinateur. En quelques secondes, plusieurs résultats s'affichent. Elle ne s'était jamais informée sur le passé de Raymond, se contentant de ce qu'il lui racontait. Cela aussi fait partie des préconisations de l'association. Ne pas savoir pour ne pas être influencé. Laisser le détenu se livrer. Elle a peut-être donné son prénom et numéro de téléphone à un braqueur, un tueur, un violeur. Elle frissonne. Elle s'apprête à cliquer sur le premier article. « Emmeline, tu es là ? Il faut que je te raconte. Julien veut m'emmener aux Seychelles pour notre voyage de noces. Aux Seychelles, tu t'imagines ?» La jeune fille apparaît, les joues roses de bonheur. Emmeline efface sa recherche. 10 jours ont passé. Emmeline trouve une petite enveloppe dans sa boîte aux lettres. C'est le faire-part de Coralie. Emmeline esquisse un sourire, puis soupire. Raymond n'a ni écrit, ni appelé. À l'association Plume d'Air, on recherche un nouveau correspondant pour Raymond. Lu par Nadège Dell pour audiocité.net. Sous la licence paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique.